Chapitre 45. La vérité vous rendra libre. L'enseignement de la nature et la folie de l'humanité. Il y a une phrase qui dit « La nature amuse les humains. Elle enseigne aux disciples. Il n'y a qu'aux sages qu'elle révèle ses grands secrets. » C'est une phrase du maître Penza Bruno, du maître Peter Donov. Mais aujourd'hui, cette situation a quelque peu changé. C'est empiré, car toute chose s'empire sur Terre. Avant de dire « la nature amuse les humains », on devrait dire « les portables et les ordinateurs stimulent le pervers narcissisme, l'égocentrisme ». Oui, car avant, il n'y avait que les humains qui vivaient dans la nature et qui ne comprenaient pas la nature. La nature amuse les humains. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains qui ne voient même plus cette nature. Il y a beaucoup d'humains qui soient obsédés par leur portable. On appelle ça en anglais « look down generation », c'est-à-dire ceux qui regardent en bas. Hein, parce qu'avec le portable, vous regardez toujours en bas. « Look down generation ». Et cette génération est extrêmement, extrêmement dangereuse puisque sur le portable, on ne sera jamais, jamais confronté à un problème. Et oui, dès qu'on n'aime pas quelque chose, ben on change de site. Dès qu'on n'aime pas quelque chose, ben on delete quelqu'un. Donc, grâce au portable, on est le maître du monde. Et être le maître du monde, eh ben, c'est du pervers narcissisme. Et le pervers narcissisme est quelque chose qui se développe de plus en plus dans notre société, qui nie par définition toute forme de responsabilité, hein, puisqu'un pervers narcissique va nier toute forme de responsabilité, toute forme d'empathie que l'on pourra avoir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, que l'on utilise, que l'on blesse. Et j'ai eu peu de temps une cliente, Isabelle, qui faisait partie d'une famille de pervers narcissiques, dont toute sa famille était pervers narcissique, elle-même était elle-même pervers narcissique. Et le comble, c'est que quand j'ai essayé de l'aider pour essayer de sortir du pervers narcissisme, eh bien elle a fini par me dire « c'est toi qui es pervers narcissique puisque tu m'empêches d'être ce que je suis, c'est-à-dire pervers narcissique ». Donc le comble du pervers narcissisme, eh bien, c'est d'accuser son thérapeute d'être pervers narcissique. Comme ça, la boucle est bouclée. Et cette obsession sur ce regard très petit, très limité, qui est ce petit carré qui vous dit comment penser, comment croire, comment vivre, comment pisser, comment chier, comment vous prend, vous vole les derniers aspects d'intelligence qu'il vous restait. Parce que sur Internet, vous trouverez toujours... Aujourd'hui, il faut bien comprendre que... moi, j'ai fait ce travail il y a peu de temps sur une recherche que j'ai faite. Si on cherche mon nom, on trouve que j'oblige les gens à boire l'eau des toilettes, que je torture les gens, que je les enferme, que, etc., etc. Enfin bon, je suis pédophile monstrueux, je fais l'amour avec les grenouilles. On trouvera toujours... sur toute personne, tout ce qu'on veut. Si on prend, sans vouloir faire de comparaison arrogante, Michael Jackson était un homme de bonté. Et pourtant, on trouve sur Internet toutes les horreurs que l'on puisse imaginer sur lui. Puisque Internet, YouTube, c'est l'endroit où l'on peut déverser toutes les ordures que l'on veut, sur qui que l'on veut, en toute impunité. Il suffit de ne pas utiliser certains mots et c'est bon, on peut utiliser tout ce qu'on veut pour insulter quelqu'un. Donc, cela permet à toute personne de déchaîner son horreur et sa monstruosité. Stimuler cette horreur et cette monstruosité chez soi et la stimuler chez les autres, en parlant ainsi, c'est ce qui permet d'être encore plus bas que l'être simple qui est amusé par la nature. Quelqu'un qui est amusé par la nature, c'est quelqu'un qui ne comprend pas la nature, mais en tout cas, ça l'amuse, il la voit, ça l'amuse. Voilà, il est un peu bébête, un peu concon, Il voit la nature et il la voit. Il la comprend pas. Il l'assume pas. Il massacre, il coupe tout pour avoir plus de viande, hein, sachant que 50% du territoire mondial est utilisé pour la viande et que chaque jour, on coupe la valeur de presque la France entière pour avoir des terrains de plus pour pouvoir faire de la culture et avoir des animaux pour pouvoir manger de la viande. Sachant que si tout le monde était simplement végétarien, je dis même pas végétalien, on pourrait nourrir le monde entier avec 8% du territoire national et ceci irait jusqu'à 8 milliards de personnes. On utilise 1% du territoire mondial pour vivre. Oui, je dis bien seulement 1%. On pourrait mettre toute la population du monde entier, Amérique, Chine, Afrique, ainsi de suite, au Texas. Largement. Largement. Très largement installée. Et puis après, restent toutes les industries foireuses de plastique, de pétrole, qui sont des industries totalement inutiles puisqu'ils font de l'argent. Mais cela fait bien longtemps qu'on a trouvé la solution pour d'autres choses. Donc nous sommes en train de détruire notre monde en pur pervers narcissisme, mais tout va bien. Tout est chouette, tout est cool, tout baigne. Et quand on atteint ce point-là, on n'est même plus au niveau où la nature nous amuse. Parce que maintenant, la nature, on la détruit. La destruction de toute chose autour de nous, c'est du perverse narcissisme. C'est de l'égoïsme qui va si loin que c'est plus de l'égoïsme, c'est du pervers narcissisme. C'est vraiment pervers. C'est l'excitation de détruire, de massacrer, d'utiliser sans avoir de responsabilité parce qu'il y aura toujours du terrain sur le monde. Eh ben non, la planète, elle a une certaine superficie et il y a un moment, comme maintenant, elle arrive de la façon dont tu l'utilises maintenant à saturer. Et on arrive devant des massacres, des carnages qui vont arriver de plus en plus. Sans parler du réchauffement planétaire, sans parler de la pollution, du continent de plastique, enfin, tout ce qui est là, qui est évident et qui fait que toute personne un tout petit peu intelligente, un tout petit peu même intelligemment égoïste, devrait réagir. Mais le pervers narcissique ne peut pas réfléchir. Le pervers narcissisme qui se développe de plus en plus à travers l'enseignement de cette société nous empêche de réfléchir. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas d'empathie à avoir lorsque je fais souffrir quelqu'un, puisqu'en fait, je ne le fais pas souffrir, puisque ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens est la seule et unique vérité. La Lockdown Generation a été amenée de plus en plus vers cette perversité, à tel point qu'aujourd'hui, un homme de sagesse est un homme détesté qu'il faut abattre, qu'il faut emprisonner, qu'il faut torturer, qu'il faut rendre aveugle, qu'il faut insulter, sur lequel il faut cracher, il faut le haïr, il faut le détruire jusqu'à la fin. L'homme simple qui s'amuse devant la nature est un crétin. Voilà, c'est simplement un crétin, mais au moins il n'est pas méchant. Il est stupide, il est inconséquent, il fait ce qu'il a à faire et il arrive à entrevoir les limites de la nature, avec égoïsme, avec limitation, mais il arrive à entrevoir. L'initié qui apprend de la nature, lui, va apprendre des choses de la nature. Il va apprendre que la mer use le rocher, par exemple, et donc que le rocher est moins solide que l'eau, parce que l'eau, avec le temps, use le rocher. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des vagues dans la mer? Parce qu'il y a du vent, soit le vent atmosphérique, soit le vent magnétique de la Lune. Et c'est ce qui va donner que l'air, magnétique ou pas, est plus fort que l'eau, l'eau plus fort que le rocher. Et pourquoi est-ce qu'il y a du vent, eh bien, soit à cause de la gravité magnétique qui se joue entre le Soleil, la Lune et les autres planètes, soit par le réchauffement planétaire qui arrive dans les couches atmosphériques, qui fait des bulles d'air chaud, qui vont rencontrer des bulles d'air froid, qui vont provoquer le vent. Dans les deux cas, la lumière est plus forte que le vent plus fort que l'eau plus fort que le rocher. Et devant cette leçon, eh bien, si je me mets à penser à quelqu'un que je déteste, Oh, je vais changer mon air, je vais donc changer la production de mes humeurs, de mes liquides en moi, qui vont aller petit à petit à me tuer. Si je pense positivement, ah, mon amour, je respire différemment, je produis des humeurs, des liquides différents, un sang différent, qui va aller régénérer des parties de mon corps, qui vont aller me soigner. Donc ce qui est vrai dans la nature est vrai aussi dans notre corps. L'école Shaolin, qui veut dire l'école de la petite forêt, nous enseigne que les arbres, les uns vers les autres, se protègent les uns les autres. Ils se protègent les uns les autres. Moi, je suis un fan de bambou. Oui, je mets des bambous partout où je peux planter des bambous. Et les bambous, les premiers bambous à pousser, ben, les plus difficiles, ce sont les premiers. Parce que ce sont isolés, seuls, contre le vent, contre tout. Mais quand vous commencez à avoir une touffe de bambous, vous en avez une vingtaine ou une trentaine, là, c'est gagné. Parce que chaque bambou protège les bambous, le vent est arrêté par les premiers bambous, les autres bambous sont protégés, donc il y a quelques bambous qui souffrent, mais ils ont beaucoup d'humidité parce que de nombreux bambous gardent l'humidité de la terre qui n'est pas touchée par le soleil. Bref, c'est le secret de la petite forêt. Plus il y a d'arbres, plus les arbres se protègent les uns les autres, se stimulent les uns les autres, car chaque arbre cherche à atteindre la lumière pour pratiquer la photosynthèse, et pour cela, il y a concurrence. Et l'arbre va grandir plus vite pour arriver plus vite à la lumière. C'est ce qui se passe dans la jungle, c'est ce qui se passe dans les forêts profondes. C'est une véritable fraternité, une fraternité de concurrence, une fraternité de protection, une fraternité de soutien. Si l'on va voir une cascade, on verra que là où l'eau pure coule, la vie s'étire autour de cette eau pure. Les animaux, les insectes, les plus gros animaux qui viennent boire, il y a toute une vie qui s'installe et qui fait d'une source un endroit de beauté magnifique. Parce que l'eau pure attire la beauté, la pureté, les animaux. On peut appliquer la même chose par l'eau pure qui émane de son cœur. Et l'on pourra ainsi apprendre énormément de choses en tant qu'initié. Puis ensuite, il y a véritablement l'initié à qui seul révèle, la nature révèle ses grands secrets. Et quels sont les grands secrets de la nature? Ben, je ne peux pas vraiment trop vous les dire parce que vous n'êtes pas des initiés. Mais disons que la nature est intelligente. La nature est un ensemble. Vous allez découvrir que l'isolement n'existe pas. L'isolement par les racines, par les arbres qui se soutiennent, mais pas seulement ceci. Quand vous allez dans la forêt et que vous demandez quelque chose, des choses se passent. Peut-être vous révélerai-je juste une chose que j'ai déjà expérimentée, que j'ai déjà racontée dans ce livre, donc là je ne trahirai pas de grands secrets, c'est qu'un jour j'ai recherché plein de secrets particuliers dans les bois pour être plus en contact avec mes guides. Et j'ai essayé plein de choses et je n'ai eu aucune réponse. J'ai essayé des exercices de transfert d'énergie avec des arbres, un lever de soleil, des respirations, du tai chi, des mouvements respiratoires particuliers. Et je n'ai eu aucune réponse. Et à la fin, alors que je pensais avoir totalement échoué, j'ai salué simplement la nature pour être en paix avec la nature. Et là, le vent a soufflé avec une réponse forte, puissante. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Ce qui veut dire que chaque exercice que je cherchais pour avoir ma réponse était la réponse elle-même. Et à la fin, j'ai juste eu le commentaire clair et précis. Tu as ta réponse. Travaille chaque seconde. Ça, ce sont les grands secrets révélés aux grands initiés, aux grands disciples. Et l'on rentre dans un secret, dans une profondeur qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer et qui dépasse l'entendement simple humain. Il y a un secret profond qui se tient en toute chose. Et pour atteindre ce secret profond, il faut atteindre un esprit cristallin, un esprit pur, un esprit serein, un esprit d'amour, d'attention, de respect, de silence, d'écoute. L'initié, l'élève avancé, lui, sait reconnaître des choses. L'homme simple, lui, est simplement amusé par la nature. Le schizophrène, lui, ne peut rien entendre. Le pervers narcissique ne peut rien entendre puisqu'il ne peut entendre que ses émotions. Il n'y a que ses émotions, aucune responsabilité. Toute chose qui se passe autour de lui. Toute chose qui se passe doit s'adapter autour de lui. Et si, par exemple, vous êtes profondément déséquilibré, égoïste, malsain, pervers, et que quelqu'un est là et essaye de vous corriger en vous disant « mais ne sois pas pervers, ne sois pas vicieuse comme ça, ne sois pas méchante comme ça », la seule chose que vous pourrez entendre, c'est que cette personne vous empêche d'être vous-même, puisque le pur pervers narcissique a raison d'être pervers narcissique et au-dessus de tout, il n'est pas pervers narcissique. Et au-delà du pervers narcissique vient le portable, l'ordinateur d'aujourd'hui sous toutes ses formes, qui vous enseigne que vous avez toujours raison. Vous avez toujours raison puisqu'il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour effacer quelqu'un, puisqu'il vous suffit de changer de site pour trouver finalement la réponse que vous voudrez trouver. Et comme sur les sites internet, la plupart des gens sont des pervers narcissiques qui écrivent tout ce qu'ils peuvent écrire, eh bien, au bout du compte, il est clair que vous trouverez toujours toutes les réponses qui vous font plaisir. Moi, j'ai vu des réponses comme qu'on peut rester sans manger au bout de 21 jours et ne plus avoir mangé, ni avoir besoin de manger, ni avoir besoin de boire. J'ai vu des réponses comme quoi vous allez mettre un pied ici ou une pierre comme ça et vous êtes guéri d'un cancer. J'ai vu des réponses comme quoi vous prenez 3 gouttes de ceci et vous êtes guéri du sida. Vous trouverez toutes les réponses que vous voudrez. Mais ces réponses n'ont rien à voir avec la réalité. Ces réponses vont vous tuer. Avancer vers l'enseignement de la nature, c'est avancer vers une efficacité. C'est avancer vers une réalité. Alors c'est une réalité subtile qui va vous éclairer sur des choses de plus en plus subtiles, de plus en plus initiatiques à comprendre, mais qui fonctionne véritablement. À quoi reconnaît-on l'obsédé du look-down generation, du pervers narcissique? C'est qu'il ne fait que le mal autour de lui. Il ne fait que blesser, qu'insulter, qu'être irresponsable. Et en plus, il a raison de faire tout cela. Tandis que l'initié véritable au plus haut niveau, il a appris de la nature, il a appris du vent, du soleil, de la pluie, mais son efficacité est totale, son respect est absolu. Son harmonie avec la nature est complète et totale. Il n'impose rien. Il apporte la vérité. Il apporte la simplicité. Il apporte l'humilité, l'humour et l'amour. Et en fait, n'oublions pas que l'amour est la clé de toute chose manifestée dans la nature. Et plus votre enseignement, votre pratique s'éloigne de l'amour et s'approche de la haine, et plus votre enseignement est dans le pervers narcissisme, est dans le portable, est dans toutes ces choses-là, plus vous êtes capable d'aimer, de protéger, de respecter, d'aimer, de nourrir, d'embellir, de rendre les choses et les gens beaux. Car enfin, vous avez une petite plante, je vous parlais des bambous, moi j'ai des bambous, je plante des tout petits bambous de rien du tout et au bout de 4-5 ans j'ai des bambous 3-4 mètres de haut qui envahissent entièrement ma maison et qui envahissent tout et qui apportent en plus une terre très saine, qui apportent beaucoup d'oxygène. Voilà, c'est la beauté et l'amour dans toute sa splendeur qui produit et fait grandir plein de choses autour de soi. Le pervers narcissique serait quelqu'un qui arrose ses plantes avec de l'eau de Javel et se demanderait ensuite pourquoi ces plantes ne poussent pas? Quelle est donc la malchance qu'il a pour que toutes ces plantes ne poussent pas? Et c'est la chose à comprendre. La chose à comprendre, pure et simple. La nature est un champ de beauté et d'amour. D'ailleurs, lorsque les gens vivent une NDE, Near Death Experience, et qu'ils partent de l'autre côté, ils arrivent toujours dans des champs de beauté, de plénitude, de verdure, de forêts magnifiques, de vents qui fait bouger les arbres, une beauté de nature qui nous montre à quel point la nature nous approche de la nature divine, à quel point la sérénité de notre cœur nous approche de la bonté divine. Voilà, c'est une simple chose, un simple texte à comprendre. Avant, il existait 3 niveaux, maintenant il en existe 4. Et puis il y a le 5e niveau qui est le niveau de la mort, le niveau qui nous permet d'atteindre un champ de divinité encore plus élevé, où la nature est encore plus belle, encore plus riche, et où tous les secrets nous sont révélés si l'on a suivi son chemin d'évolution à travers la nature. Donc il y a 5 niveaux. Les 3 niveaux simples de la nature, le 4e niveau du pervers narcissique, complètement débile et obsédé par lui-même, et le 5e niveau tout en haut, qui est le niveau de l'ange, du guide, de l'être de lumière. Et par ces 5 niveaux, on arrive à comprendre avec simplicité et honnêteté où est-ce que l'on se trouve dans son évolution. C'est la simple chose que je voulais vous apporter aujourd'hui. Vous révéler que le pervers narcissique, le look down generation, c'est aujourd'hui 99% de la population et qu'il reste environ 1% pour tout le reste. Oui, seulement 1% pour tout le reste. Alors combien reste-t-il pour ceux qui peuvent profiter de la mort dans le sens magique? Combien reste-t-il pour ceux qui sont des initiés, qui peuvent avoir tous les secrets de la nature? Le pourcentage est si bas, que c'est pour ça que tant de gens souffrent, même se suicident, disparaissent de ce monde, car ils n'ont plus leur place dans ce monde de perversité, de narcissisme, de violence, d'obsession, de méchanceté, de trahison. Ils n'ont plus beaucoup de place. Ils n'ont même plus aucune place. Alors heureusement pour eux, il leur reste le champ de verdure divine qu'est la nature supérieure, des plans supérieurs. Il faudrait qu'un jour, toute cette beauté de la nature existe partout sur Terre, qu'elle soit aimée, respectée, glorifiée. Mais nous en sommes encore bien loin en vérité. Et je rencontre aussi souvent des gens qui me disent « Oh, mais Iji, tu n'es pas seul, la nature est belle, la nature est grande. » Et je leur dis « Mais ouvrez vos yeux, regardez autour de vous, que voyez-vous ? Des terrains massacrés, des forêts coupées, des animaux utilisés en batterie pour être dévorés. Où voyez-vous cette beauté ? Comment pouvez-vous me dire que je ne suis pas seul ? Où vous imaginez, dans votre monde égoïste, que vous n'êtes pas seul, mais vous êtes seul. Car aujourd'hui, le monde de la lumière, le monde de l'initié devant la nature, est un monde isolé, solitaire, exceptionnel, merveilleusement beau lorsqu'il existe, mais si rare, si rare, si rare, qu'il est bien vrai et bien triste, que pour ceux qui connaissent cette beauté, cette grandeur de la nature divine, du grand livre de la nature divine, il faut bien reconnaître que nous sommes seuls, ou pratiquement seuls. Alors encore une fois, je vous le dis, pour toute personne qui veut apprécier cette nature, qui veut apprécier cette grandeur, ne restez pas seul. Rejoignez-nous, car il reste si peu d'êtres humains aujourd'hui sur Terre qui soit capable de voir la vérité, qui soit capable de vivre la vérité, qui soit capable de se nourrir de cette vérité, d'apprendre de cette vérité. Pour la plupart des gens sur Terre, il ne reste plus que le pervers narcissisme, le portable, l'obsession d'ordinateur, le quand dira-t-on, le mensonge, le diable, c'est-à-dire tous les mensonges qui passent à travers moi. Diable, ça veut dire ceci, hein. Toutes les choses que je colporte à travers moi sans même y penser. Il reste si peu de lumière, si peu de vérité. Si vous êtes un peu vers cette vérité, et si vous avez envie d'acquérir un peu plus de cette vérité, et de cette paix, de cette fraternité, d'être avec des gens qui ont envie de cela, rejoignez-nous, ne restez pas seuls. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, et il n'y a plus beaucoup de gens dans ce monde, ne restez pas seuls. Car la quantité des gens tournés vers la grandeur de la nature, vers la vérité de la nature, ne sont plus que quelques-uns dans ce monde. Et vous ne devez pas rester seul, sinon, comme le reste des forêts, comme le reste des champs et de la nature, vous vous ferez décapiter. Alors, rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions être la dernière forêt Shaolin, la petite forêt qui résiste à toute chose, parce que nous vivons et existons pour la vérité divine, pour l'amour divin, pour la fraternité totale. Merci.